Ah ouais, t'as toujours pas commencé? Ben, il y a le temps, maman. Il y a le temps? C'est ton avenir, Emma. Hein? Mais... Ok, donc l'été c'est dans 3 mois, et toi t'as toujours pas commencé à réviser la carte des Calanques de Marseille? Non mais les vacances ça va pas se faire tout seul, hein? Avec 87% de parents satisfaits par les stages Acadomia, il va falloir trouver d'autres sujets d'engueulade que les notes. En centre ou en ligne, nos stages de révision préparent les élèves à réussir le brevet et le bac. Plus d'infos sur acadomia.fr. Acadomia, le plaisir de réussir. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose des regards différents sur le premier conflit mondial. À Verdun, quand la forêt s'en va en guerre. Et à l'ombre des combats, avec Proust face à la guerre. Ce sont des femmes sur tous les fronts et des tirailleurs sénégalais pour des colonies mobilisées. D'ailleurs, comment gagner la guerre? Par le djihad au service de l'Allemagne ou par l'économie afin de ruiner l'ennemi? La Grande Guerre, une histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'économie, comme champ de bataille, ruinait l'Allemagne pour gagner la Grande Guerre. Voilà ce qu'on peut lire dans la revue. La revue, le 1er octobre 1914. Le militarisme allemand, l'unique vertu de ce peuple dégradé, lui a faussé compagnie. Il n'est point paradoxal de dire que l'Allemagne ne pourra redevenir un pays civilisé et faire partie de l'humanité de demain qu'après une défaite décisive et définitive. Bon ben ça tombe bien puisque la guerre s'annonce courte. La mobilisation n'est pas la guerre. Toutefois, les Allemands entraient en Belgique et en France, menant la guerre fraîche et joyeuse. Et l'armée française se précipitait aux frontières. Mais tout cela serait bientôt fini avec les armes modernes. Bah oui, tout ça serait bientôt fini avec les armes modernes, mais ce n'est pas bientôt fini. On sait bien que cette guerre a duré 4 ans. Nous étions en 1949 dans les actualités françaises. Bonjour Olivier Forcade. Bonjour. Pour comprendre les enjeux économiques de la Première Guerre mondiale, il faut bien entendu resituer ça dans un contexte beaucoup plus large, sur des rivalités antérieures. C'est important de le dire, hein. L'Allemagne est déjà perçue comme une puissance économique menaçante par les Français, par les Britanniques. Absolument. La question est déjà posée avant 1914. C'est celle d'une compétition économique internationale entre des puissances européennes qui se sont déjà affrontées par des mesures de guerre économique, de protectionnisme. Oui, c'est assez ancien d'ailleurs, parce que si on veut remonter assez loin, on peut dire que déjà au 19e siècle, et même au milieu du 19e siècle, l'Allemagne n'existait pas encore. Hein, mais la Prusse elle-même était sous un regard méfiant. Avec nous aujourd'hui, Lise Galland, bonjour. Bonjour. C'est vrai que la Prusse était considérée comme une puissance que l'on pouvait essayer de contraindre grâce à l'économie. Oui, tout à fait. Et à partir donc de l'unité allemande, de la création de l'Empire en 1871, l'Allemagne, la nouvelle Allemagne, a été considérée encore plus comme une menace pour l'équilibre économique du continent, et notamment par l'Angleterre. Donc l'Allemagne est rapidement, à partir des années 1880-90, devenue la principale concurrente économique et navale de l'Angleterre. Et oui, parce que vous venez de prononcer le mot, c'est une histoire qui se joue sur les mers aussi. Hein. C'est vrai que nous avons souvent, dans l'idée de la Première Guerre mondiale, les tranchées. C'est une histoire extrêmement sur terre. Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est une histoire maritime. Et cette histoire maritime, c'est l'histoire du commerce. Il y a des fronts invisibles et il y a un front maritime. Ce sont en effet les rivalités commerciales. Et ces éléments, en réalité, structurent l'entrée en guerre. C'est sans doute le caractère le plus marquant de cette séquence. C'est que les mesures de blocus et de guerre économique, contrairement à ce qui est souvent cru, ont commencé à être mises en œuvre dès l'entrée en guerre. Dès 1914 Dès 1914, la France et l'Angleterre, au cours du mois d'août, décident d'appliquer des dispositions qui doivent affecter le ravitaillement de l'Allemagne. Il s'agit d'agir sur le commerce international. Et par conséquent, c'est une question à la fois stratégique, économique et diplomatique. Et oui. Elle est diplomatique parce qu'il s'agit évidemment de prendre une position vers les États restés neutres à l'entrée en guerre. Il s'agit ici de s'appuyer sur une codification internationale à laquelle les Européens, et bien d'abord les Français et les Anglais, ont beaucoup œuvré et se sont beaucoup opposés avant 1914. Oui, parce que vous évoquez ces États neutres, parce que la neutralité, c'est toute la question au moment de faire un blocus. Interdire le commerce avec l'Allemagne, c'est une chose, mais peut-on interdire le commerce avec des États neutres qui eux-mêmes vont peut-être commercer avec l'Allemagne? C'est le cœur de la question. C'est un débat qui, a commencé à prendre au XIXe siècle. Il y a toute une histoire du débat sur le blocus et les embargos entre 1815 et 1914. C'est un sujet qui est traité lors des négociations du traité de Paris à l'issue de la guerre de Crimée en 1856. Cette question est à nouveau posée lors des conférences de La Haye en 1899, mais surtout 1907. Et vous avez là tout un enjeu qui est celui de la codification juridique du droit maritime. En particulier, 7 des 13 conventions de la conférence de La Haye de 1907 portent précisément sur ces questions. Le droit de la guerre maritime, la question du blocus, les conventions 6 à 12. Et c'est un sujet qui est à nouveau abordé à l'initiative de Londres en 1908-1909. C'est une conférence qui doit déboucher précisément sur une codification du droit de la guerre maritime et du droit maritime. Il s'agit en réalité de définir les grandes règles qui seraient internationales et qui gouverneraient l'application du blocus maritime. Et une déclaration de Londres est prise le 26 février 1909, qui est signée par une dizaine d'États européens, mais qui n'est pas ratifiée par la France et l'Angleterre. Si bien qu'on se retrouve en 1914 avec une question très importante, les États entrent en guerre, et l'Angleterre va le faire précisément à l'instant où l'Allemagne menace sa maîtrise du commerce mondial maritime en envahissant la Belgique. Quand est signée la déclaration de Londres en 1909, les grandes alliances sont déjà là. En plus, on peut avoir cette lecture supplémentaire. Hein. On les connaît bien, ces alliances, en tout cas entre la France, le Royaume-Uni et la Russie, et puis à l'intérieur de l'Europe. Absolument. Alors, il s'agit évidemment de réfléchir à des blocs diplomatiques et stratégiques. L'entente cordiale de 1904, qui rapproche l'Angleterre de la France, parachevée en 1907 par l'alliance bilatérale des deux pays avec la Russie et donne naissance à la Triple Entente. Face à la triplice, où Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, mais qui va s'en détacher avant la guerre pour rentrer dans la neutralité, s'oppose. Et donc vous avez deux blocs, et avec des enjeux économiques très importants, notamment pour la maîtrise du commerce mondial. L'autre question va se trouver être l'importance des États neutres en 1914, qui vont prendre position sur les mesures pratiques de blocus maritime que France et Grande-Bretagne ne manquent pas de mettre en place. On voit bien ce qu'est un blocus, c'est fermer le commerce avec un pays. Mais dans cet imaginaire-là, on peut étendre, dans le cas de l'Allemagne, avec cette notion d'encerclement. Lise Galland, c'est quoi cette peur allemande de l'encerclement ? Cette peur allemande de l'encerclement, ça renvoie déjà à une réalité géographique. L'Allemagne était à l'époque enclavée avec la France et la Russie de part et d'autre et une frontière maritime qui débouchait sur des espaces maritimes eux-mêmes très enclavés, à savoir la mer du Nord et la mer Baltique. Donc cette réalité géographique s'ajoute une réalité diplomatique, celle que Olivier Forcade vient d'évoquer, les alliances, donc l'alliance franco-russe en 1892, signée en 1892, puis l'entente cordiale, puis la triple entente. Donc encerclement diplomatique c'est la peur aussi, de manière un peu plus fantasmatique, de ne pas être reconnue comme une puissance mondiale. Parce que l'Allemagne est un État jeune, enfin une nation jeune, qui a été créée en 1871 et qui a bousculé complètement l'ordre européen, l'équilibre européen. Elle a été créée à la suite de 3 guerres. Et donc, elle est vue d'un mauvais œil, enfin, sa volonté de puissance est vue d'un mauvais œil de la part des autres puissances européennes. Donc, l'encerclement, c'est ça. C'est cette superposition de réalité et aussi de fantasme, il faut bien le dire. Et donc, le blocus. Bien sûr, c'est la menace d'un encerclement complet ou d'un double encerclement terrestre et maritime. Lise Galland, vous êtes docteur en civilisation allemande et histoire contemporaine. Votre thèse s'intitule « L'Allemagne impériale et le spectre de l'encerclement, 1906-1914 » sous la direction d'Hélène Miard de la Croix et Olivier Forcade. Ah ben voilà, vous vous retrouvez. Il y a des parentés, c'est à Sorbonne Université. Vous venez d'évoquer le fait que quand l'Allemagne devient un État en 1871, bien sûr ça bouleverse l'équilibre européen, parlerait de géopolitique, mais l'Allemagne bouleverse aussi l'économie européenne, parce que c'est un pays extrêmement dynamique qui est entré un peu plus tardivement dans l'industrialisation. Donc ils sont là la vraie menace, ils sont jeunes du point de vue économique aussi. Oui, l'Allemagne est jeune du point de vue économique. Elle connaît un essor économique fulgurant à partir des années 1880. Et c'est une économie fortement tournée sur l'international. Les échanges extérieurs représentent 35% de la richesse nationale. Et l'Allemagne dépasse l'Angleterre en 1913 sur le plan commercial. Elle devient la première puissance économique d'Europe. Donc ce qui inquiète beaucoup l'Angleterre et ce qui donne une centralité aux questions économiques comme arme de guerre. Et puis ce qui inquiète les Allemands, eux, c'est de pouvoir disposer d'accès à tous ces réseaux économiques et sans doute plus, c'est-à-dire pouvoir disposer des mers. En Afrique, l'Allemagne s'est bien assurée quelque chose, vous voyez, des miettes. En outre, la garantie de leur sécurité pose un problème. Étirée du Danemark à la Russie, l'Empire n'a qu'une flotte pour défendre 2000 km de côte, celle de la Baltique, mer peu profonde. Impossible d'employer cette flotte en Atlantique. La moindre tempête l'engloutirait. La défense des possessions africaines et simultanément l'espoir de les étendre un jour implique donc la création d'unités de haute mer. L'instigateur des lois sur la flotte sera l'empereur Guillaume II, son exécutant fidèle, Krupp. Krupp, la famille Krupp, présentée en 1971. Olivier Forcade, cette histoire qui nous intéresse, c'est une histoire militaire, bien sûr, vous l'avez dit, diplomatique, c'est une histoire authentiquement économique. Tant ce complexe de l'industrie, celle de l'armement, est mêlé au monde politique en Allemagne. La famille Krupp, bien sûr, est essentielle dans cette histoire-là. Vous avez raison, les élites économiques et financières participent pleinement à une réflexion sur l'avenir de l'Allemagne, comme d'ailleurs dans les autres pays, notamment en Angleterre en 1914 et pendant la guerre. Ce qui est intéressant, c'est effectivement cette politique mondiale qui est recherchée par le Kaiser Guillaume II, avec l'appui des élites allemandes, dans un régime que les Alliés vont qualifier de militariste après-guerre, mais qui pourrait être défini de manière plus complexe en réalité. Et au fond, on va avoir un objectif de l'Allemagne qui est précisément de desserrer le contrôle sur le commerce international que la Grande-Bretagne et la France font peser sur son expansion et sur son développement. Et là, vous avez une dynamique qui est la racine de l'installation d'un affrontement de nature économique en 1914. La guerre de 1914-1918 est une guerre économique. Et le blocus militaire se mêle avec le blocus commercial et maritime. En fait, c'est une seule et même notion où la question militaire se confond avec la question économique. Par conséquent, on est ici dans un blocus à une échelle et dans une intensité qui caractérise l'entrée en guerre en 1914. Cela marque une différence fondamentale avec les blocus qui sont ceux du 19e siècle, et par exemple celui continental que vous étudiez hier entre 1806 et 1813. Il y a là une différence de nature, d'intensité et d'échelle dans le caractère mondial de la guerre qui vient. Oui, parce que cette guerre est mondiale, mais j'ai envie de dire avant même d'être en guerre, c'est une histoire obligatoirement mondiale. D'ailleurs, Lise Galland, quand vous étudiez cette peur allemande de l'encerclement, j'imagine qu'il y a bien déjà une réflexion pour échapper à cet encerclement. Alors, cette recherche d'avoir une flotte efficace, c'est déjà une préoccupation avant la guerre ? Oui, alors c'est même une préoccupation centrale. Donc, Tirpitz, qui est le secrétaire d'État, qui était le secrétaire d'État à la marine, a voulu mettre sur pied une flotte de combat contre l'Angleterre. C'est-à-dire que l'ennemi principal, c'était l'Angleterre, enfin, du moins, donc c'est comme ça que les choses étaient considérées. L'Angleterre était la première puissance navale à l'époque. Donc mettre sur pied cette flotte, et paradoxalement, donc l'idée centrale était celle de l'offensive stratégique, mener une bataille décisive contre la flotte anglaise, et le blocus, et qui était pourtant une menace totalement intériorisée, était un peu relégué au second plan, comme si on oubliait un petit peu la menace du blocus, même si cette bataille stratégique avait vocation à briser le blocus, mais les contemporains se focalisaient sur cette bataille stratégique, sur l'offensive, alors que le blocus, c'est la non-bataille sur mer, en quelque sorte. Donc il y avait un paradoxe intéressant à cette époque. Oui, paradoxe, hein, parce que savoir qu'il peut y avoir blocus, mais imaginer que vaut mieux privilégier l'offensive, ça c'est une chose. Et puis, vaincre aussi, détruire ce blocus par des alliances. Parce qu'il y a de ça aussi avec l'Allemagne, hein, Olivier Forcade, c'est regarder vers le sud comment on peut avoir accès plus facilement à la Méditerranée, en tout cas, pas être bloqué vers le sud aussi. Absolument. Là, ce sont des enjeux stratégiques et géopolitiques caractéristiques de la guerre de 14-18. L'entrée en guerre, c'est d'abord la nécessité, en effet, de mettre, dès le mois d'août 1914, en place des mesures pratiques, physiques, de blocus maritime. Très rapidement sur le continent, puisqu'il y a à la fois un blocus continental et un blocus maritime, le simple caractère statique du front fait obstacle, si vous voulez, à la pénétration dans le territoire étranger. L'Allemagne, par la Belgique envahissant la France, occupe très rapidement à l'automne 1914 dix départements qui vont constituer au fond le point de blocage de l'avancée des armées alliées. Et donc on a en effet la nécessité de construire un bloc diplomatique et stratégique pour réaliser le blocus maritime. C'est ce que la France et la Grande-Bretagne vont s'efforcer de faire dès le deuxième semestre 1914. Il faut bien comprendre qu'à l'entrée en guerre, un grand nombre d'États restent neutres. Vous avez des neutres de principe, comme la Suisse, la Belgique, depuis 1831-1839. Vous avez des neutres de principe, comme les États scandinaves, après le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande. Vous avez les Pays-Bas. Vous avez ensuite des neutres occasionnels, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et au fond, la stratégie et la diplomatie de l'Entente, d'abord menée par Londres et par Paris, consiste à détacher ces États neutres, de manière à parachever l'organisation diplomatique, stratégique et effective du blocus. Par exemple, pour répondre à votre question, établir un blocus en Méditerranée, cela signifie détacher l'Italie et la faire sortir de sa neutralité pour qu'elle permette de parachever le blocus maritime de la Méditerranée. Et en faisant cela, cela permet de fermer la mer Noire et la mer Adriatique, la mer Noire qui est dominée par la marine turque, les Russes ne parvenant pas évidemment à y être à ce moment-là, et la mer Adriatique qui est le débouché de la flotte austro-hongroise, parce qu'il y a une marine autrichienne tout à fait importante. Et en effet, les mois de l'automne 1914 consistent à mettre en œuvre ces mesures d'un blocus maritime en établissant un blocus effectif par le canal d'Otrante de la mer Adriatique et par les détroits de la mer Noire. Oui, parce que cette guerre est mondiale, et je vous écoute Olivier Fourcade, et je me dis elle est mondiale parce qu'elle ne peut être que mondiale pour que le blocus soit efficace en fait. Elle ne peut être que mondiale, parce que pour parachever cette vision géopolitique, nous avons parlé du flanc sud dans ce qui est le front occidental, mais il faut le relier au front européen occidental, avec son débouché sur l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord et la Baltique. Et dès septembre-octobre 1914, les marines françaises et anglaises, dans une coordination parfaite, très étroite, mise en œuvre dès le mois d'août 1914, de façon délibérée, ferme le débouché de la mer du Nord et Atlantique, de la marine allemande, de Tirpitz, la grande marine allemande de surface, mais également avec sa flotte littorale et ses moyens sous-marins, et au fond vont dessiner, j'allais dire théoriquement, une fermeture comme un gigantesque brise-lames depuis le nord de l'Écosse, en passant par les Shetland, les Hébrides et la côte de Norvège. Et donc, c'est ce qu'on appelle un blocus à distance ou un open blockade, où l'Angleterre renonce à ce qui a été, depuis le XVIIe-XVIIIe siècle, sa technique du blocus rapproché et de siège comme de blocus des ports et des littoraux. C'est désormais le blocus à distance rendu possible par la puissance de l'artillerie pour protéger la flotte de surface de la puissance de l'artillerie navale côtière et s'appuyer sur des techniques nouvelles qui permettent de réaliser le blocus maritime. Et c'est mis en place en fait dès le début de la guerre. Ça veut dire que c'était réfléchi avant. C'est complètement pensé. C'est une conception de la guerre qui est en réalité antérieure au déroulement de celle-ci et qui construit l'imaginaire comme l'anticipation de la guerre qui vient. Et ici, il y a évidemment une conception géopolitique et j'allais dire culturelle, sinon stratégique, des Anglais corriger et approfondir celle française. Et puis, au début de la guerre, en 1914, il est certain, même en Allemagne, que la guerre sera courte. Nous avons la chance de vivre une grande époque. Vos actes seront le terreau fertile, à partir duquel des racines nobles et vigoureuses pourront croître. Restez tranquille et écoutez, Leinemann. L'empereur a besoin de soldats, pas d'enfants. Je suis sûr que je reverrai bientôt bon nombre d'entre vous fouler le sol de notre mère patrie. L'épée est rangée dans son fourreau avec tous les honneurs, arborant fièrement une croix de fer sur la poitrine. Mais ne vous y trompez pas! Durant les heures les plus sombres là-bas, avant un assaut, vous éprouverez parfois des doutes. Mais ce ne sera pas le moment de flancher! Chaque vacillement, chaque hésitation est une trahison de notre mère patrie. La guerre moderne est comme une partie d'échecs. Il ne faut pas penser en tant qu'individu. Il faut penser en tant qu'ensemble. Vous allez vous montrer digne de vos uniformes, soldats. Vous allez franchir la ligne de front ennemie en Flandre. Et ensuite, dans moins de 2 semaines, vous marcherez sur Paris! Oui, monsieur! Ouais, notre avenir, l'avenir de l'Allemagne, est entre les mains de sa plus grande génération. Et cette génération, mes amis, c'est la vôtre! Ouais! Alors en route pour le combat, pour l'empereur, Dieu et la mère patrie! Un extrait du film À l'Ouest, rien de nouveau, Ted Warburger, en 2022. Évidemment, d'après le livre d'Éric Maria Remarque, À l'Ouest, rien de nouveau. On entend ici, Lise Galland, qu'il y a quelque chose lié aussi à l'identité nationale allemande. Parce que quand on parle d'encerclement, on parle de géopolitique, on imagine des généraux au-dessus des cartes. Mais c'est pas comme ça que ça se construit. Les Allemands, les Allemandes, eux ont aussi cette idée que le pays est encerclé et peut-être menacé. Ça s'est diffusé dans toute la population. Alors, dans toute la population, c'est toujours difficile de savoir pour l'historien, en raison des difficultés d'accéder aux sources qui nous permettent de répondre à cette question. Mais en tout cas, oui, il existait dans l'Allemagne impériale toute une série de symboles qui permettaient de construire l'identité allemande et on peut supposer, enfin, quand on compare les sources issues de différents milieux, par exemple économiques, diplomatiques, même des sources qui permettent d'accéder au milieu ouvrier, oui, il y avait un sentiment d'identité allemande, ça c'est sûr. Et quand on part en guerre en 1914, c'est aussi pour défendre cette identité. Avec l'idée que parmi l'identité allemande, il y a cette notion d'encerclement. Quand vous étudiez dans votre thèse l'encerclement, sa diffusion, sa circulation et sa transformation dans l'espace public, c'est ça, c'est qu'on met en avant l'idée que, attention, nous pouvons être encerclés, il faut rompre cette idée d'encerclement qui va nous conduire au blocus. Oui, tout à fait. Dans cette histoire-là, Olivier Forcade, nous avons cette idée d'une guerre très rapide au début. Mais ce que disait tout à l'heure Lise Galland, c'est que c'est l'offensive qui est mise en avant, en tout cas dans l'idée allemande d'avoir une marine puissante. C'est-à-dire que il y a à la fois l'idée d'un encerclement et que le risque d'un blocus n'est pas si préparé que ça. Parce qu'on pense que la guerre va être courte, qu'on va gagner, c'est ça? Oui, les opinions publiques, d'abord, sont surprises par l'entrée en guerre. Il faut jamais oublier cet élément. L'été 1914 commence dans la quiétude. Et en réalité, les événements diplomatiques et militaires surprennent les opinions publiques. La conséquence est précisément que les états-majors ont préparé une guerre qu'ils veulent croire courte, finie à Noël. Ici, les travaux du grand historien Jean-Jacques Becker ont montré précisément cette projection à la fois des plans et des conceptions générales qui sont militaires, politiques et diplomatiques d'une guerre qui serait terminée en quelques semaines. Cela est tenu notamment dans le domaine militaire et stratégique par une conception de l'offensive nourrie de l'esprit de revanche côté français comme de la volonté côté allemand et des empires centraux, d'engager une offensive précisément pour disloquer l'Einkreisung, cet encerclement qui est à la fois militaire, enfin stratégique, économique et commercial, et qu'il faut desserrer. Par conséquent, ces différents éléments se conjuguent pour expliquer la psychologie à la fois des peuples européens, mais également de leurs dirigeants et de leurs chefs militaires. Parce que du côté des alliés, on peut dire que c'est une simple lecture d'imaginer que si l'on coupe les vivres à l'Allemagne, pour le dire très simplement, avec un blocus, l'Allemagne va s'effondrer parce qu'elle ne va pas disposer de ressources suffisantes pour tenir la guerre. C'est juste une lecture comme ça ou c'est plus complexe? Alors c'est d'abord ce premier élément d'analyse et qui s'agrège à des conceptions plus générales parce que on a ce double mouvement, si vous voulez, de la conviction que la guerre doit être courte et gagnée avant Noël. avec, dans le même temps, la mise en œuvre d'une économie de guerre où de premiers organismes publics mettent en œuvre les dimensions de la guerre économique. Entre août 1914 et le début de l'année 1915, sont mis sur pied en France, en Angleterre, en Allemagne, dans les empires centraux, des organismes publics, des comités, qui préparent en réalité la guerre et l'économie, enfin l'économie, à une guerre longue. Donc vous avez ce double mouvement où le second objectif recouvre le premier. Par conséquent, c'est plus complexe qu'il n'apparaît. C'est plus complexe, et puis le blocus, c'est facile à dire. C'est facile aussi à imaginer sur une carte. Et puis à appliquer, ça, c'est autre chose. Il fonctionne, ce blocus, au moins dans un premier temps. Comment, d'ailleurs, il se construit? C'est-à-dire qu'il y a des flottes, celles des alliés, qui empêchent les communications avec l'Allemagne. Toujours ce problème des neutres, dans cette histoire-là. Oui, toujours ce problème des neutres. Pour balayer la chronologie qui est la nôtre, et qui est le tableau de fond, il y a une première période de mise en œuvre du blocus qui va d'août 1914, avec notamment la ratification par Paris et Londres des dispositions pratiques que la déclaration de Londres du 26 février 1909 prévoyait et qui avait été laissée de côté, Paris et Londres s'empressent de les rendre applicables. Jusqu'au 11 mars 1915, on est dans une phase au fond de 6 mois, durant laquelle des premiers éléments de mise en place du blocus maritime notamment sont prévus et conduits. Puis vous avez une deuxième phase qui est du printemps 1915 jusqu'à janvier 1917, avec la déclaration de la guerre sous-marine à outrance par l'Allemagne, qui est effective le 1er février 1917. Et on entre dans une troisième phase, au fond, qui va passer par la sortie de neutralité des États-Unis, qui voit dans cette guerre sous-marine à outrance une atteinte d'abord à la loi internationale, et puis d'autre part, une atteinte centrale à la liberté de commerce sur les mers, et donc à leur liberté de commercer comme neutre, d'où l'entrée en guerre en avril 1917. Là, vous avez une troisième phase, qui, vous le voyez, du début de l'année 1917 jusqu'à 1919, puisque le blocus allié fut levé le 12 juillet 1919, constitue la troisième phase. Dans la première phase, pour terminer, on va avoir des mesures maritimes qui sont mises en œuvre, en effet, avec d'une part les flottes militaires qui sont mises au service du blocus en Méditerranée, la flotte française renforcée par celle britannique contre la flotte austro-hongroise et turque, mer du Nord Atlantique, mais également Pacifique. Et là, vous avez à la fois la flotte de surface qui est utilisée, des navires de commerce qui sont armés et utilisés au sein du blocus, notamment sur le plan littoral, c'est-à-dire comment bloquer les littoraux et le petit commerce de cabotage, ou les débarquements de produits par contrebande. Et puis troisièmement, vous avez la réapparition du sous-marin, qui est la surprise tactique de la guerre de 1914-1915, et qui constitue l'arme du blocus. Oui, parce que le sous-marin, ça c'est quelque chose d'essentiel, Lise Galland. D'ailleurs, comment, dans cette première phase du blocus, les Allemands réagissent-ils? Ils ont moyen d'essayer de le casser? Vous avez dit, c'est une vraie question, la flotte allemande. Alors, est-elle prête pour rompre le blocus? Alors, la flotte allemande, le problème, c'est que l'Angleterre a déjoué les prévisions allemandes en appliquant non pas un blocus rapproché, mais un blocus lointain, comme l'a dit tout à l'heure Olivier Forcade. Donc, à partir de ce moment-là, l'Allemagne, qui était en infériorité, dont la flotte était en infériorité numérique par rapport à la flotte anglaise, ne pouvait guère se risquer de s'éloigner de ses côtes. Donc, ça a été une situation de non-combat et il a fallu réinventer une stratégie navale qui prenait en compte cette nouvelle réalité, la réalité du blocus lointain. Donc, l'Allemagne a accéléré la construction de sous-marins. Ce projet avait déjà était envisagé avant 1914, mais jamais réellement pris au sérieux par Tirpitz, donc le secrétaire d'État à la marine. 1914 et ce blocus lointain ont créé une rupture, donc un passage à la guerre sous-marine contre le commerce. Donc c'est devenu une guerre commerciale avec l'entrée en guerre et l'application de ce blocus lointain. Il a fallu tout repenser. Et l'utilisation des sous-marins, parce que les sous-marins étaient déjà connus depuis le 19e siècle. Les gens avaient lu 20 milieux sous les mers, ils avaient découvert Jules Verne, le capitaine Nemo. Ben voilà que les sous-marins sont mis en application durant la guerre. L'ingénieur du son à ses manettes dispose à sa guise des moteurs du Nautilus. France Culture. Il les fera tourner au ralenti, il les fera donner à plein régime. Le cours de l'histoire. Quant à l'orgue, il le fera entendre de très loin ou de plus près. Xavier Mauduit. Maintenant, narrateur, à vous de faire. Ben, narrateur, à vous de faire. Olivier Forcade, ils sont comment ces sous-marins? Et ce sont des sous-marins très performants. Est-ce que c'est intéressant hein, d'associer souvent l'idée des sous-marins pendant la Première Guerre mondiale à l'Allemagne? C'est-à-dire que les Alliés, bah aussi, ils en ont, j'imagine, non? Ils sont pas aussi performants? Oui, tout à fait. Mais c'est une surprise tactique que l'apparition du sous-marin, parce que précisément le blocus maritime qui est établi dès l'été 1914 interdit la Horsseeflot de Tirpitz de sortir de la Baltique et de filer vers la mer du Nord. Par conséquent, ce blocus maritime effectif laisse comme alternative tactique le développement de la guerre sous-marine au Kaiser. Et donc, à partir de début 1915, on va voir effectivement, avec entre 100 et 200 sous-marins, une grosse centaine de sous-marins U-boats allemands, le développement de cette échelle tactique et opérationnelle de la guerre sous-marine. En réalité, les premiers succès au printemps 1915, dans le premier semestre 1915, sont limités. Mais c'est d'abord l'effet de terreur et l'effet spectaculaire devant l'opinion publique alliée et internationale qui frappe. Le 7 mai 1915 est coulé le Lusitania de la Cunard avec des citoyens américains. Dans ses flancs, des munitions mises par les Américains pour les livrer aux Alliés, mais ce fait n'est pas reconnu par les Alliés. Et vous allez avoir d'autres paquebots de transport civil ou de commerce qui sont coulés, l'Arabique, puis le Sussex à l'automne. Et c'est là, si vous voulez, un élément très, très important qui va accélérer la mise en œuvre du blocus maritime, à la fois par les Alliés et développer les mesures de guerre, de contre-guerre sous-marine. On a donc ici un blocus maritime commercial et militaire allié qui génère et enclenche le contre-blocus des empires centraux. Voilà, blocus face au contre-blocus, avec le sous-marin comme arme que les Allemands veulent croire décisive. Et une bouteille à la mer. Ce document a 50 ans, il est daté du 13 mai 1915. C'est un message de détresse découvert dans une vieille bouteille échouée sur une plage de la Somme. Sur la feuille de papier moisi, on peut lire en anglais « À l'aide SOS, Lusitania sombre au sud de l'Irlande ». L'écriture est très intéressante parce qu'elle est appliquée. Ce n'est pas une écriture par quelqu'un qui a été pris dans une angoisse au moment d'un naufrage. C'est une écriture appliquée avec des pleins, avec des déliés, avec des liaisons entre les différentes lettres. Et d'autre part, c'est aussi une écriture de quelqu'un qui écrit couramment l'anglais. Il semble bien que ce soit par conséquent quelque chose qui émane de l'Angleterre directement ou d'un anglais. Mais il y a une chose qui est fort intéressante, c'est que cette écriture est une écriture avec des fioritures, avec des enjolivures, chose qu'on ne rencontre pas généralement quand quelqu'un est en train de sombrer avec un navire. Nous étions en 1965 quand cette bouteille du Lusitania est découverte, 50 ans plus tard. L'affaire du Lusitania, on sait que ça a une importance énorme dans la guerre, parce que c'est toujours cette idée hein, de blocus et de contre-blocus qui a des incidences sur les autres pays, et notamment ceux qui, jusqu'alors, étaient neutres. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Absolument. C'est par exemple la sortie de neutralité par des négociations secrètes de l'Italie qui rejoint par le traité de Londres en avril l'entente. Elle va permettre de parachever le blocus en Méditerranée. C'est par exemple des dispositions qui sont prises par les franco-britanniques pour établir avec les Pays-Bas un contrôle du commerce de réexportation dont Rotterdam est le point central. Rotterdam est le point d'approvisionnement et d'entrée des ravitaillements en denrées, mais également en matières premières minières et en denrées de tout genre pour l'Allemagne. Et dès l'automne 1914, Londres et Paris avaient imposé la création d'un organisme privé, le Netherlands Overseas Trust, à la tête duquel le président de la Banque centrale hollandaise. L'objectif était d'imposer aux neutres, y compris contre la logique de la loi internationale, un contrôle du commerce de réexportation, c'est-à-dire l'arrivée des marchandises du monde entier par Rotterdam vers l'Allemagne et les empires centraux. C'est un enjeu qui est permanent pendant la guerre et qui se trouve renforcé en 1915-1916 par l'allongement de la guerre. Oui, tout simplement parce que là, dans ce qu'on entend ici, c'est que cette peur de l'encerclement que vous avez étudié, Lise Galland, bah, se concrétise en fait. Factuellement, c'est ce qu'il est en train de se passer. Hein. Oui, oui. Et pour l'Allemagne, donc, les neutres, et notamment les États-Unis, représentent un enjeu essentiel justement pour éviter de parachever vraiment jusqu'au bout l'encerclement. Et c'est la raison pour laquelle l'Allemagne met fin de manière provisoire à cette guerre sous-marine à partir de septembre 1915 pour éviter que les États-Unis quittent leur neutralité et soutiennent les puissances de l'entente. On retrouvera ce même enjeu en 1916 jusqu'à 1917 quand la décision de la guerre sous-marine à outrance est prise. Le calcul des responsables allemands était que l'Allemagne, par cette guerre sous-marine à outrance, aurait sans doute les moyens de gagner la guerre rapidement, en quelques mois, c'est-à-dire avant que l'aide américaine ne fasse effet. Parce que dans cette histoire, hein, toujours nous sentons bien que cette géopolitique est complètement mondiale. On parle des États-Unis, on pourrait étendre ça aux empires coloniaux. Juste avant d'évoquer cette guerre à outrance, cette guerre sous-marine à outrance, le blocus avait déjà des effets. Parce qu'il arrive un moment, nous sommes 1914 au début de la guerre, 15, 16, ça passe les années et sur le quotidien des gens, il y a des effets. Et puis après, aussi pour les armées. L'Allemagne met en place des mesures de rationnement des denrées élémentaires à l'hiver 1914. Les premiers effets se font sentir sur la population allemande et des empires centraux, mais avec une évaluation quantitative difficile à poser pour l'historienne et l'historien, en 1915-1916. Et en 1916-1917, on parle de l'hiver des Rutabaga, les effets du blocus maritime limitant les importations de denrées alimentaires en Allemagne et pour les empires centraux frappent. C'est l'hiver qui par ailleurs est froid et qui connaît des problèmes de ravitaillement majeurs. Donc oui, les premiers effets se font sentir. Il faut immédiatement rappeler que la propagande allemande, qui cherchait à contrer une propagande alliée très vigoureuse, très moderne, dans l'infoguerre j'allais dire, a longtemps, jusqu'à la fin de la guerre, mais a fortiori entre 1914 et 1916, cherché à minorer les effets du blocus économique en expliquant que la carte de la guerre lui était favorable et que par ailleurs, les effets du blocus ne se traduisaient pas par une rupture sur le front moral de l'arrière dans cette guerre devenue totale. Par conséquent, vous avez là des éléments de propagande qui contrarient, je dirais, la prise en compte par les autorités militaires et politiques allemandes de la gravité du blocus dans la conduite de la guerre. C'est une question centrale pour l'Allemagne, comme on l'a vu en 1917, ainsi que le disait Lise Galland. Et puis, pour construire de nouveaux armements, pensons aux sous-marins, il faut des matériaux. Là aussi, ça, c'est un vrai problème, ce blocus. Oui. Londres et Paris avaient décrété, en appliquant la déclaration de Londres, les dispositions de la déclaration de Londres et de 13 conventions de la Conférence de La Haye de 1907, des dispositions pratiques qui classaient les marchandises en trois types et cherchaient à contrarier ou contrôler la contrebande qui permettait de contourner les effets maximum attendus du blocus. Il y avait les produits qui étaient classés dans la catégorie 1 de contrebande absolue à interdire, et notamment tout ce qui intéressait la fabrication des armements, des munitions, des outils de guerre. La catégorie 2 qui recouvrait les marchandises à contrôler de catégorie contrebande conditionnelle, ce sont l'ensemble des denrées, des fourrages, des grains, des vêtements. Puis il y avait une troisième catégorie qui recouvrait au fond tout un ensemble d'objets du commerce international, y compris le coton, la laine et curieusement les engrais, nitrates et phosphates, alors que ceci constituait un élément stratégique dans l'agriculture en temps de guerre. Et oui, parce que on voit que ici les effets du blocus touchent au quotidien des gens. C'est plus dur de trouver à manger. Et puis, bien sûr, à l'industrie de l'armement. Lise Galland, quand vous nous dites qu'en 1917 il y a un changement de stratégie de la part de l'Allemagne, on peut dire que c'est un des effets du blocus. En fait, c'est une des réussites du blocus. Oui, le blocus a poussé les dirigeants allemands à accentuer, radicaliser leur stratégie de contre-blocus. Donc, oui, tout à fait, mais assez rapidement, la stratégie allemande est déjouée par la réorganisation des alliés et la mise en place des convois. Finalement, les sous-marins qui chassaient les navires marchands ont été chassés par ces navires de guerre qui protégeaient la marine marchande. Oui, parce que ce n'est pas une histoire simple, hein, où il y aurait juste un blocus. On l'a bien entendu, il y a le blocus et le contre-blocus. Il y a des solutions qui sont toujours trouvées à tout. Et en 1917, les Allemands font le choix de la guerre sous-marine à outrance. Nous étions là, on a tendu un micro. Le grand état-major est réuni. À sa tête, le maréchal von Hindenburg et le général von Ludendorff. Le grand état-major demande l'application de la guerre sous-marine commerciale. La guerre sous-marine peut nous rapprocher d'une paix victorieuse. Cette guerre doit donc commencer. Si nous n'agissons pas tout de suite, nous serons exposés en 1917, à l'est comme à l'ouest, à des attaques lancées avec des forces très supérieures aux nôtres. Je comprends vos raisons, maréchal. Mais la guerre sous-marine est notre dernière carte. Nous ne devons pas hésiter à suivre notre intérêt propre. Nous ne devons pas, cette fois, pour des motifs humanitaires, nous laisser détourner de nous-mêmes. L'arme sous-marine est la nôtre. C'est nous qui frappons. Nous attaquons le nœud vital de l'Angleterre. Nous plaçons l'Angleterre devant cette question décisive pour son avenir, ou bien se réconcilier avec nous, ou bien perdre sa position dans le commerce international. Ça y est, c'est la guerre sous-marine à outrance présentée dans le magazine mensuel de la Première Guerre mondiale. C'était en 1967. Olivier Forcade. Ici, il y avait deux idées dans cette reconstitution. Il y avait l'idée que, il faut détruire. Alors, ils ne disent pas les alliés, hein. Ils parlent de la Grande-Bretagne précisément par l'économie. Bon, très bien. Mais en même temps, c'est notre dernière carte. Ça veut dire que déjà en 1917, au moment où se met la guerre sous-marine à outrance, c'est que les Allemands ont compris que là, ils sont un peu acculés. Faut trouver une réaction. Oui, la guerre sur le continent est bloquée, si je puis dire. Les fronts statiques interdisent la percée stratégique et le basculement stratégique qui donnerait la victoire à l'une des deux coalitions. On est dans une guerre de coalition qui se traduit en 1916, fin 1916 et début 1917, par des impossibilités à l'emporter. C'est tellement vrai que le Kaiser fait une proposition de paix aux alliés, prenant de court le président Woodrow Wilson, tout juste réélu, qui avait précisément la volonté d'une paix proposée par les États-Unis, grand neutre, mais qui affirmait sa puissance financière, notamment en prêtant aux belligérants des deux coalitions. Et vous avez donc, fin 1916, début 1917, un basculement qui est tout à fait important. Et dans ce que disait Lise Galland, en plus, ce basculement est d'autant plus important que ce changement de stratégie de la part de l'Allemagne a des conséquences. Parce que conséquence pour les alliés de s'adapter pour continuer à commercer et à recevoir des soutiens, s'ils en ont besoin aussi. Sur le plan militaire, 1916 a connu des blocages. C'est l'échec des offensives sur Verdun, février, été 1916, sur la Somme, juillet, novembre 1916. C'est le caractère infructueux, même si les deux coalitions revendiquent ici un succès militaire d'une des seules sorties de la Roseflotte au Jutland le 31 mai 1916. Donc vous avez un blocage sur le plan stratégique et militaire. Par conséquent, le grand quartier général allemand, avec Ludendorff et Hindenburg, propose au Kaiser, contre la volonté du chancelier Bethmann-Hollweg, une stratégie militaire nouvelle, c'est-à-dire raccourcir la guerre en essayant de la gagner sur mer, plus exactement sous mer. Et sous mer, et avec cette idée, parce que ce mot à outrance est extrêmement fort, c'est là où se joue l'enjeu en fait de ce choix décisif. C'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer que les navires militaires, on attaque tout ce qui passe, en fait, Lise Galland, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Jusqu'alors, l'Allemagne avait été globalement respectueuse du droit international, avait prêté attention, par exemple, aux naufragés, avait aussi parfois prévenu avant de couler les navires. Et à partir du moment où on passe à la guerre à outrance, on ne prend plus aucune considération pour la marine marchande, enfin pour les marins. Donc c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Les rutabagas, c'est excellent, hein, mais ne mangez que ça, c'est sûr qu'à un moment ça énerve. Non, mais c'est vrai, là dans ce moment de 1917, nous voyons bien que les choses évoluent énormément. C'est là en fait, Olivier Forcade, que se joue aussi de manière plus large sur l'histoire de la guerre, des changements qui vont avoir les conséquences l'année suivante. On peut rajouter quand même qu'en 1917, cet encerclement est moins évident à la fin de l'année parce que du côté russe, eh bien, les alliés perdent un allié. Absolument. La carte militaire évolue en 1917 et avec elle la carte diplomatique. 1917, c'est une diagonale qui voit précisément une radicalisation du cours de la guerre avec une volonté de guerre à outrance qui précisément défie les lois internationales. Et on a donc une année 1917 qui marque ce tournant stratégique, notamment sur mer. Pour les Allemands, il s'agit de mettre l'ensemble de leurs moyens sous-marins au service d'un contre-blocus. Ce contre-blocus qui doit détourner le Naval Control Shipping des Alliés, c'est-à-dire cet organisme qui permettait la visite et l'inspection, sinon l'arraisonnement, puis la capture ou la saisie, la prise des cargaisons des navires belligérants, enfin sous pavillon de belligérants, ou éventuellement de neutres. C'est ce que l'Allemagne veut faire à partir du 1er février 1917. Et donc un tournant majeur qui recouvre le premier semestre 1917, avec d'autre part un effet extraordinairement fort de cette guerre sous-marine, puisque le tonnage coulé par les Allemands à partir de février-mars 1917 est entre 600 et 800 000 tonneaux par mois, faisant peser sur le ravitaillement allié en matières premières agricoles et minières, sinon les hydrocarbures, un risque considérable dès le printemps 1917. C'est tellement vrai qu'à l'automne 1917, lorsque le gouvernement Clemenceau s'installe, ce dernier confie à Henri Béranger, sénateur de la Guadeloupe, le pilotage d'un organisme public qui est chargé de mettre en œuvre le ravitaillement effectif en hydrocarbures et notamment en pétrole. Donc on a une année 1917 qui est véritablement diagonale. Et au fond, l'Allemagne est comme le dit l'amiral Jellicoe, anglais, for lost sea, et l'amiral Sims, qui est américain et qui va rendre interopérable la marine américaine avec celle anglaise et alliée. Si nous ne renversons pas ces pertes avant l'été, nous perdrons la guerre. Eh oui, parce que c'est vrai que la guerre dure depuis longtemps, les hommes sont à bout. Enfin, au sens où, ça y est, on a compris que là, ça ne va pas tenir longtemps. Les économies sont en tension maximum. C'est le cas en Allemagne, d'ailleurs. La population, les rues tabagas, je le dis, c'est excellent. Mais enfin, que ça, c'est dur. Oui, tout à fait, oui. Le moral de l'arrière n'est pas bon. Et cette situation, donc la faim, la sous-nutrition, les maladies, entraîne des émeutes, entraîne des grèves également et des troubles politiques. Ce que les Allemands de l'époque retiennent du blocus, c'est bien sûr la faim, mais ils imputent la responsabilité surtout au gouvernement. C'est le gouvernement allemand qui est critiqué. On lui reproche de ne pas être capable de gérer la situation et de nourrir la population allemande. Ouais, le blocus a des effets politiques à l'intérieur. Tout à fait. Dans cette histoire, puisque nous parlons de cette année 1917, il faut ouvrir maintenant le journal du siècle. Du fait de la défection russe, l'Allemagne peut ramener ses troupes sur le front occidental. L'équilibre des forces est ainsi rompu à son profit. C'est pourquoi le commandement allemand va tenter d'exploiter l'occasion pour obtenir la décision. Il cherchera d'abord à séparer les armées britanniques des armées françaises dans l'intention de liquider en premier lieu les Britanniques. Ce seront les offensives de mars en direction d'Amiens et d'avril en direction de Calais. La guerre de mouvement, après des années, recommence. La cavalerie britannique se prépare à intervenir. Chaque fois, l'intervention des réserves françaises colmatera brèches et percées du front britannique. Toutefois, les Allemands ont partiellement atteint leur but. L'armée britannique est provisoirement hors de combat. Devant le danger, les Alliés créent le commandement unique. Foch devient généralissime. Nous connaissons les étapes de cette Première Guerre mondiale, présentées souvent de manière caricaturale, mais une guerre de mouvement, puis une guerre de position, sont l'étranger, et à la fin encore une guerre de mouvement. Olivier Forcade, mais il est toujours nécessaire de prendre un peu de hauteur et de regarder ces autres fronts. Je pense notamment aux Dardanelles, parce que là aussi, on se trouve dans cette même réflexion sur comment procéder pour bloquer complètement le commerce et l'économie allemande. Oui, tout à fait. C'est au début de l'année 1915 que Churchill, le premier lord de l'amirauté et le gouvernement français avaient projeté une opération de stratégie indirecte et qui permettait précisément d'essayer de relier les alliés au front russe. Et ça, c'est un élément qui devrait parachever l'encerclement stratégique et militaire des alliés des puissances centrales. Cet élément-là échoue, puisque les Dardanelles sont un échec, qui va d'ailleurs laisser des traces. Et d'autre part, en enjambant les deux années qui suivent, on arrive en 1917 avec les deux révolutions russes, qui évidemment vont conduire, début 1918, à la sortie de la coalition de la Russie, contre les accords diplomatiques. Et cela a une conséquence très importante, que nous dit ce témoignage, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne peut reverser à partir et après le traité de Brest-Litovsk, au printemps 18, ces divisions sur le front occidental. Et par conséquent, vous voyez, dans le plan de guerre et la fonction du contre-blocus et de la guerre sous-marine, l'Allemagne, au fond, fin 17, début 18, est dans une position stratégique très avancé et assez rapproché d'une victoire militaire. Je ne dis pas d'une victoire politique, mais d'une victoire militaire. Et puis, dans tout ce qu'on a pu évoquer sur les difficultés intérieures en Allemagne, sur la crise politique aussi, qui s'associe à cette situation terrible de la guerre, on sait comment ça se termine. C'est la défaite allemande. Mais quelle place a le blocus dans cette défaite? Quand on prend de la hauteur sur l'ensemble de la période, Olivier Forcade, vous diriez quoi? C'était quelque chose d'essentiel pour expliquer la victoire des alliés? Je crois en effet que c'est un facteur central, même si le blocus n'est pas la cause ou la raison directe de la victoire alliée. Sur le plan démographique, les Allemands ont fait valoir qu'il y avait entre 600 et 700 000 Allemands qui seraient morts du blocus, et cela va surtout travailler, je dirais, l'imaginaire de la société allemande dans les années 20, mais elle est aussi un élément qui concourt en effet à bien comprendre la place centrale du blocus. Et puis, la place centrale de cet imaginaire-là. Lise Galland, quand vous étudiez l'encerclement, nous sommes avant la Première Guerre mondiale, ça c'est vraiment votre étude, mais on peut l'étudier sur le après, parce que tout à l'heure, Olivier Forcade nous a dit que le blocus s'arrête en 1919, c'est par le traité de Versailles, c'est pas l'armistice qui fait la fin du blocus, ça reste encore après dans les mémoires des Allemands, cette idée, l'encerclement et le blocus. Oui, bien sûr. La guerre a radicaliser cette représentation de l'encerclement, déjà. Donc, pendant la guerre, motifs comme la prison économique ont beaucoup circulé, ce qui n'était pas le cas ou très peu le cas avant 1914. Donc, on a une nouvelle acception radicalisée de l'encerclement. Et après 1918-1919, bien sûr, on est dans un encerclement encore plus fort, avec bien sûr le traité de Versailles, le diktat, le traité de la honte. Et bien sûr, on ne comprend pas que l'Allemagne soit considérée comme la seule responsable ou la principale responsable de la Première Guerre mondiale, alors que, selon elle, c'était une guerre de défense déclarée pour se défendre contre un cercle d'ennemis. Donc, pour l'Allemagne, les responsabilités sont partagées et si on lui impute la responsabilité, c'est une preuve que l'encerclement est réel. Voilà. On voit bien que cette histoire de représentation et de peur et de crainte, mais qui sont confrontées à la réalité, ont des répercussions plus tard. Parce que, Olivier Forcade, cet imaginaire du blocus s'est aussi en partie réinvesti pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait bien que c'est toujours cette même histoire-là. Oui, c'est très important de bien comprendre effectivement que dans la pensée géostratégique allemande, il y a en effet une analyse du blocus qui est placée au cœur de la guerre totale. Et le général Ludendorff, qui publie la Der Totalkrieg, la guerre totale en 1935, examine dans un chapitre très long la fonction du blocus. Et en effet, c'est une analyse géostratégique donnée à la Seconde Guerre mondiale. Avec une nuance, c'est que

Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly, Maïwenn Guizhou et Violette Ruiz. Émission aussi avec l'aide de Sabine Dahuron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Toutes ces émissions sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr où vous retrouverez toutes les informations bibliographiques liées à ce dont nous venons de parler et évidemment émissions à retrouver sur l'appli Radio France.